Psaume 122. Cantique de Mahalot, de David. Je me suis réjoui à cause de ceux qui me disaient, nous irons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés en tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem, qui est bâtie comme une ville dont les habitants sont fort unis, en laquelle montent les tribus de l'Éternel, ce qui est un témoignage à Israël, pour célébrer le nom de l'Éternel. Car c'est là qu'ont été posés les sièges pour juger, les sièges, dis-je, de la maison de David. Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment, jouissent de la prospérité. Que la paix soit à ton avant-mur, et la prospérité dans tes palais. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, je prierai maintenant pour ta paix. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je procurerai ton bien.